Sina masque sur vota yesu na momo ina yo to vota mutu na mukili oyo vote yesu mutu na mukili ata vote lelo melo bilo bia kozala te mala mususu mais yesu soki vote ye aza toujours présent partout vote mutu na mukili me mingi penza vote nde yesu.